Sana, table ronde, Yenabolia, indépendance, Nadelvoué, table ronde, Nalopez, indépendance, Mudingayi, table ronde, Nailunga, indépendance, Elikinda, table ronde, Nabaïse, indépendance, Aïmamana Sagara, table ronde, Bolikang, indépendance, oh, Kashamura, table ronde, Yenakiba, indépendance, Yenachombe, table ronde. Indépendance, Nipanae, table ronde, me déquoyer, indépendance.